On peut commencer? On peut commencer? Le cantique numéro 223 là. Vous êtes un peu reposé, n'est-ce pas? Cantique numéro 223. Ils vont commencer à chanter, ils vont commencer à chanter, ils vont prendre. Ceux qui sont loin vont comprendre qu'on a déjà commencé. Allons-y. Oui, chant de victoire numéro 223. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'un an, comptez sur lui tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'a n'est pas troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'un amour. Comptez sur lui d'un an, comptez sur lui tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux voir qu'on réclame jamais compté que sur lui. Compté sur lui de la mer. Compté sur lui tant que dure le combat. Que l'on vit ou que l'on meure, compté sur lui tout est là. Comptons sur lui de rancœur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là, comptez sur lui de rancœur. Tant que dure le combat, que l'on Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes reposé après ces 15 minutes, n'est-ce pas? Amen. Le temps que certains d'autres qui ne sont pas encore là puissent rentrer. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a de faire depuis aujourd'hui. Et souvenez-vous, le frère, là, comme tu es en train d'arrêter, vous qui êtes en train d'arrêter, envoyez votre téléphone devant que ce soit proche d'ici. Sinon, le son ne sera pas clair. Vous déposez peut-être vous déposez une chaise là, vous déposez là-dessus. Je crois que ce serait bien. Oui, quoique là, ça sera encore mieux. Là même, vous déposez si c'est bon pour vous. Là, ça sera bon parce que le son est là. Prends le téléphone, frère, tu mets ici, oui. Voilà, là parce que nous sommes devant, si le son va pas derrière, c'est pas bon. Donc souvenez-vous que ces deux, les deux prochains jours, si soyez dans la dans le jeûne et la repentance. Deux jours dans le jeûne, ça ne va pas vous tuer, ça va vous nettoyer. Vous allez pouvoir jeûner, n'est-ce pas? Par la grâce du Seigneur. Amen. Les jeunes là, vous allez jeûner, n'est-ce pas? Que Dieu vous fortifie. Amen. Donc n'oubliez pas, quand vous venez demain là, vous n'allez pas boire de l'eau. Et votre... Mettez ici devant, mettez ici pour que ça soit plus... Pour que ça puisse vous prendre là. Oui. Donc... Demain, quand vous allez venir là, vous n'allez pas boire l'eau. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez prendre le goût et puis que vous serez fortifié. Demain, il va aller vraiment vite. Demain, je vous prendre encore d'abord. Demain, c'est dimanche. Donc, certainement, vous n'allez pas avoir votre programme de culte normal. Quand je vais venir, on va entrer directement dans la parole et dans la prière. Quand nous allons rentrer, vous pouvez avoir votre problème de culte normal. Donc demain, ce ne sera pas normal. Aujourd'hui, c'était seulement l'introduction pour qu'on se connaisse. Donc demain, vous commencez le culte à quelle heure? 9h. Donc 9h directement, on commence, d'accord? Pour qu'on ait le temps de travailler. Mais le problème dans lundi, je sais qu'il y a des travailleurs parmi vous. Comment est-ce qu'on va gérer cela? Et là, vous n'avez pas de lumière. Vous pensez qu'on peut gérer ça comment alors? Puisqu'il y a des travail, vous voyez effectivement que le serveur dit que c'est bien qu'on exploite le jour comme samedi maintenant. Et qu'on exploite aussi dimanche, n'est-ce pas? Donc, Ces jours, c'est vous prendre pour longtemps, jusqu'à ce que l'obscurité tombe. Je ne veux pas vous laisser. D'accord. Et dimanche également, même chose, parce que lundi, de toutes les façons, on va quand même perdre quelques heures. Si vous allez au travail avant de rentrer, on ne pourra pas travailler longtemps avant que l'obscurité tombe. Donc mieux on exploite. Faites l'effort, on exploite les samedis et le dimanche. D'accord. Donc préparez-vous ce soir, mangez d'ailleurs, bien vous remplir, vous savez, vous comme vous voulez. Pour que demain ça vous laisse. Nous à Douala, ça fait depuis un mois, on est dans le jeûne. Donc, que votre vie spirituelle soit bâtie de nouveau. Imposez une discipline spirituelle. Ne baissez pas le bras. Quel que soit ce que vous faites de bon cœur pour le Seigneur. Il prend note. Et il sait. Si vous lisez votre Bible dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible donne le nom des deux personnalités là-bas, Zacharie et Élisabeth. On dit tous deux étaient, les enfants sont en train de pleurer là. Prenez les enfants, essayez de résoudre leurs problèmes. Ils n'ont pas d'autre moyen que de réclamer comme ça par les pleurs. Donnez-les les beignets, des seins s'il le faut, donnez de l'eau. Vous voyez, à l'exemple des enfants là, quand ils pleurent, vous trouvez le moyen pour les satisfaire. S'ils sont en train de pleurer, ils demandent de l'eau. Vous lui donnez le bonbon. Il peut même jeter ça par terre parce qu'il est énervé. Parce que tu ne comprends pas ce qu'il a de lui demander. Il continue à pleurer. Juste à ce que tu es satisfait, ce qu'il veut. Quand tu donnes l'eau maintenant, il boit en bougeant le pied sur toi comme ça. Là. Il dit maintenant tu as compris. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Mais l'enfant lui il se décourage parce qu'il pleure, vous ne donnez pas ce qu'il veut, il pleure. Nous on dit que Dieu est notre Père, le Créateur est notre Père. On dit Seigneur, je fais la guérison une fois. Deux fois. Après on se tourne vers quelqu'un, Dieu répond même à la prière. Et on part. Pourtant il est notre Père. C'est pas que la première fois il n'a pas entendu, il a entendu. Deuxième fois il a entendu. La Bible dit avant que vous lui demandiez quelque chose, il sait de quoi vous avez besoin. Mais il dit de demander. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1, la Bible dit que le Seigneur leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier et ne point se relâcher. Donc quand tu commences la prière, quand vous avez commencé la prière pour demander quelque chose, ne lâchez pas si la chose n'est pas accomplie. Il est donné ces paraboles pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il donne un exemple d'un homme qui était juge dans une ville et d'une femme pauvre, veuve et pauvre qui venait demander la justice. Il dit rends-moi justice de ma partie adverse. On dit pendant plusieurs jours, on ne donne pas le nombre de jours. Et c'est exprès que le Saint-Esprit ne donne pas le nombre de jours. Parce que si dans l'exemple c'était 3 mois, c'est que quelqu'un va dire qu'il veut prier maximum pour 3 mois. On dit plusieurs jours. Donc plusieurs commencent à partir des 2. Et ça n'a plus de fin. Donc si c'est 100, c'est plusieurs. Si c'est 8 ans, c'est plusieurs jours. Même si c'est 100 ans, c'est plusieurs jours, pas vrai? Donc on ne nous donne pas combien de fois la femme là est venue devant pour que ça soit résolu. Ni combien de jours ça a duré. On insiste sur la persévérance et l'insistance de la femme. Donc le temps de sa réponse n'importe peu. Il faut qu'il y ait une requête, une insistance, une perturbation, jusqu'à ce que la requête soit répondue. C'est comme ça que l'enfant fait. S'il se lève la nuit, il veut pisser. Il pleure. S'il ne veut pas, il pisse sur toi. S'il veut boire de l'eau, Tant qu'il ne boit pas, vous-même ne lui donnez pas. Et vous comprenez que vous avez intérêt à lui donner pour que vous ne vous donnez pas. Il pleure, tu ne peux pas le taper. Parce que tu dis tais-toi en tapant. Il pleure davantage. Donc la condition, c'est lui donner ce qu'il veut. Et Jésus dit, c'est comme ça qu'on doit faire avec lui. Mais là, je vous pose une question. Quel est l'intérêt de notre Père d'attendre que nous demandons avant qu'il donne? C'est là que vous allez commencer à savoir maintenant comment fonctionne avec Dieu. Au fur et à mesure, quand vous cultivez la relation avec le Seigneur, vous allez comprendre ces choses. Alors cette femme-là est venue une fois, deux fois, trois fois, peut-être même quatre fois. L'homme qui ne craignait pas Dieu, il dit quoi que je ne crains pas Dieu et que je n'ai de gars pour personne. Mais néanmoins, à cause de cette perturbation, pour qu'elle ne me casse pas la tête chaque jour, il faut que je me débarrasse d'elle. Il a dit, femme, qu'est-ce que tu veux? Il dit, rends ma justice de ma partie. Il dit, ce que tu veux. Ça va? Tu veux quoi? Non, ça va, elle rentre. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, elle ne se décourage pas devant le Seigneur. Maintenant, l'exemple qu'il venait prendre pour l'enfant, et pour celle Luc chapitre 18, ils sont allés dans Luc chapitre 1 avant qu'on ne commence. Dans Luc chapitre 1, dans le verset 5, comme j'ai dit, il y a l'histoire de Zacharie et d'Elisabeth, sa femme. Avant de continuer, il rentre dans notre verset du chapitre 18. Là. Quand le Seigneur a fini de donner cette parabole-là, au verset 8, verset 7 et 8, de Luc 18, il dit, écoutez ce que a dit le juge unique. Il veut dire, si quelqu'un qui ne craint pas Dieu réagit comme ça, il ne craint pas Dieu, il n'a des gars pour personne. Dieu pouvait envoyer comme tu veux la femme qui vient le déranger. Mais il dit que si le juge unique a répondu à une requête de prière, il dit, à combien de fois vous avez votre Père céleste? Il dit, ne rendra-t-il pas justice aux élus qui crient à lui jour et nuit? Le Seigneur dit, il les rendra promptement justice. Vous avez entendu le mot promptement? Il dit d'abord qu'il va rendre justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Comment écrit jour et nuit dans ces versets? Quand vous vérifiez, comment c'est écrit? Nous sommes dans Luc chapitre 18, là, le verset 7. Luc chapitre 18, verset. Vous y êtes? Luc chapitre 18. C'est là je suis en train d'expliquer juste avant d'aller dans Luc chapitre 1. Vous y êtes? Il dit qu'il crie à lui comment? Combien? C'est écrit comment? Au singulier. Maintenant, écoutez très attentivement, je veux toute votre attention. Vous avez lu Actes des Apôtres. Vous connaissez l'histoire de Corneille vivait dans la droiture avec le Seigneur tous les jours, bien un seul jour. Tous les jours. C'était un style de vie. Mais un jour, pendant qu'il était là à la prière, l'ange l'a rencontré là-bas. Il dit, ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu. Est-ce que c'est la prière et le monde qui l'a donné ces jours? C'était une habitude chez lui. Vous connaissez l'histoire de Daniel, le prophète. Comment il priait trois fois par jour. Au point où, lorsqu'il était dans les problèmes, même le roi dont il était le collaborateur proche a dit que ici la loi des Perses et des Mèdes est immuable. Je ne peux pas aller en l'encontre de la loi. on est obligé de jeter dans la fosse au lieu. Dans cette dernière chapitre 6, Darius a dit à Daniel, il puisse ton Dieu que tu sais continuellement. T'être délivré de ces circonstances. Le jour où Dieu délivre Daniel de la fosse au lion, ce n'est pas le jour où il vivait dans la relation avec le Seigneur. C'était un style de vie. Donc, on vit bien avec Dieu. Droit avec Dieu. Pour qu'au jour de la détresse, il puisse te secourir. Quand il y a la guerre, les militaires ne se lèvent pas tout simplement pour aller en guerre. Ils ont, même s'il n'y a pas de guerre, il se prépare à une éventuelle guerre. Il va désarmer son âme, enlever les pièces, nettoyer, faire les prières de tirer, pour redresser ses tirs. Il y a des instructeurs qui les notent. Au fur et à mesure, ils gardent leur forme physique. Ils vont dans les forêts. Ils font les techniques de suivi, les techniques de combat. Les techniques de combat pour se préparer à des éventuelles situations qui arrivent. Donc ce n'est pas le moment où il y a le premier qui vont sortir pour commencer, qui va aller où. Non. Les stratégies se mettent en place. On profite ça, on travaille là-dessus pour que l'ennemi ne surprend pas. De la même façon, la vie chrétienne, on va en s'améliorant devant le Seigneur. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. C'est l'instruction de la Bible, d'accord? Donc ce n'est pas que le jour où vous allez prier, comme les pasteurs ils disent, quand on amène un malade, ou bien quelqu'un qui est possédé, quand il regarde, le possédé commence à bouger comme ça. Et il dit qu'attends, il n'est pas me préparé. Il est devenu la nourriture. Donc vous voyez que le soldat ne lui a pas dit que non, il n'est pas me préparé maintenant pour savoir comment on faisait la technique de guerre. Il doit être prêt à répondre à l'appel. Voilà, donc il faut être préparé pour quand une éventualité arrive. Parce que supposons que ce soit la mort qui arrive, quand la mort arrive, ça ne tombe pas à la porte. Ça vous prend seulement. Je peux être en train de prêcher comme ça, il tombe, je meurs. Tout ce que vous allez faire là comme ça, mon travail sera terminé. À cet instant-là, je suis entre les mains du Seigneur. Que j'ai eu à mentir, à cet instant-là, mon livre va s'ouvrir devant moi. Vous voyez, c'est en train de dire la vérité. Mon chapitre est terminé sur la terre. Vous allez vous lamenter sur la terre. Dis que c'était un bon gars. Si en réalité j'étais quelque chose dans les ténèbres, la vraie version c'est Dieu qui l'a. Donc si je faisais paraître devant les hommes et que je vivais dans les ténèbres par derrière, la vraie vérité c'est devant Dieu. Donc quand la mort vient, ça te prend subitement. Ça ne te prépare pas que je vais venir te prendre tel jour. Non, ça te surprend. Vous voyez qu'il faut qu'on soit prêt, n'est-ce pas? Il faut qu'on soit prêt. Donc comme l'enlèvement va nous surprendre, c'est comme ça que la mort surprend. Vous comprenez cela? Il y a des gens qui ont quitté la maison, dit que j'arrive, il donne les salutations à sa femme, il part, il ne rentre plus jamais. Dans son programme, il n'avait pas programmé la mort. Mais nous ne devons pas programmer la mort justement. Là, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur le chrétien. Nous devons être prêts à rencontrer le maître. Pour qui dit si le moment c'est ta fin sur la terre, viens. Que tu partiras rendre de bonnes comptes. Donc, quand il dit jour et nuit, ce n'est pas seulement ce jour-là qu'il prie. Le jour où il vient et te répond, ça veut dire que pour lui, c'est promptement. Pour qu'on ait le jour où l'ange est venu comme ça, dans la prière, il a dit, il paniquait. Il dit, ta prière et tes aumônes sont montées vers le Seigneur. Il s'est souvenu. Pas que Dieu l'avait oublié. Que non. Quand vous priez, il n'y a pas de réponse. Il faut baisser les bras. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas à celui que vous priez. Si vous acceptez que Dieu est le créateur et qu'il est ton père et qu'il a envoyé son fils mourir pour toi, il a fait la plus grande des œuvres que personne ne pouvait faire. Mourir pour toi, pécheur. C'est les accessoires, les biens matériels, la guérison qu'il ne peut pas leur donner. Vous comprenez cela, hein? La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 16, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible déclare qu'il faut qu'on approche du trône de grâce avec foi. Celui qui prie doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc avant d'aller devant Dieu, je dois devoir croire que ce que je demande, je l'ai. Avant d'aller. Vous n'allez pas là-bas pour essayer de croire. Pour essayer de le tester. C'est que vous allez le tenter, Dieu. Donc vous priez, ça ne marche pas. Priez. Priez. Si ça ne marche pas, vous priez. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Vous remarquez que dans l'atmosphère du matin, c'était normal donc que vous priez, aucune réponse ne soit donnée, pas vrai? Parce qu'on a vu que le manque de pardon, si vous lisez Marc chapitre 11, à partir du verset 23, jusqu'au verset 26, le Seigneur Jésus dit que si vous dites à cette montagne, que ôte-toi et jette-toi dans la mer, et vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. Mais il dit rien de vous sera impossible. Là, il dit que si vous êtes debout faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Donc il vient de dire le manque de pardon bloque la prière. Donc c'est normal donc que vous priez pour longtemps. C'est normal que vous priez pour longtemps et qu'il n'y ait pas de réponse, parce qu'il y a des obstacles à la prière. Dans Isaïe 59, à partir du verset 1, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour sauver, ni ses oreilles assez dures pour entendre. Donc quand tu cries, il entend. Il dit, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et lui, dont les obstacles à la prière peuvent être le péché. Ça veut dire que si tu pries, ça ne marche pas. 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça ne marche pas. Arrête la prière. Examine si tu es en règle avec le Seigneur. Si Dieu montre les problèmes qu'il faut résoudre, résous avant de venir présenter. C'est simple, comme il a dit. Si vous priez, vous allez prier un jour, vous voyez plutôt quelqu'un qui est encore dans votre songe. Vous priez. Dieu vous montre que pardonnez cette personne-ci. Vous raisonnez, Dieu vous dit que tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Lui, je ne peux pas lui pardonner. Dieu ne peut pas faire autrement parce que c'est sa loi. Il dit, si vous ne pardonnez pas le péché, il ne peut pas vous donner quelque chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc Zacharie, dans ce livre de Luc au chapitre 1, verset 5, la Bible déclare que lui et sa femme étaient tous deux avancés en âge. Le plus grave, ce n'était pas leur âge. Le plus grave, c'est qu'ils servaient Dieu de façon irréprochable par rapport à la loi. Donc il faisait toutes les prescriptions que Moïse avait demandé de faire. Il dit bien, c'est le plus grave dans ces passages. Voilà le plus grave. Donc ils vivaient comme Dieu veut. On dit qu'ils étaient tous des irréprochables. Donc ils avaient déjà un point devant Dieu. La deuxième chose la plus grave, c'était que les deux étaient issus de la descendance d'Aaron, ceux sur qui coule le droit d'onction. Donc ils avaient l'onction du fait qu'ils appartenaient à Aaron et Élisabeth et Aaron. Et la deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit dit qu'il n'y avait pas de reproche devant Dieu. Mais la Bible déclare qu'il n'avait point d'enfant. Donc malgré qu'ils étaient bons, malgré qu'ils étaient issus d'Aaron, ça n'a pas empêché qu'ils soient stériles. Dans sa vie, Dieu ne veut pas dire que tout va t'arriver bien en rose. Il peut avoir des difficultés. Des difficultés au point où vous pouvez même désespérer. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit qu'ils étaient dans la détresse au point où ils désespéraient même de conserver la vie. La détresse était terrible au point où l'apôtre Paul savait que c'était. Et nous regardons comme un arrêt de mort certain, notre arrêt de mort. Donc l'apôtre Paul savait que là c'était la mort. Donc on peut être amené dans la vie de la foi à passer par des moments terribles. Au point où si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous allez le maudire. Mais je vais seulement vous dire ces moments-là, c'est pour vous tester. C'est pour vous tester. Testez votre foi. Parce que la personne que vous appelez Dieu, vous ne le voyez pas. Si vous ne voyez pas quelqu'un, vous ne l'entendez pas. Comment être sûr qu'il vous entend? Vous parlez seulement. Il ne vous répond jamais. Comment être sûr qu'il va répondre à votre requête? Et très souvent, il y a des besoins pressants. Des choses dont il faut la solution là. Et vous l'invoquez. Il prend lui tout son temps. Et toi, tu es pressé. Vous devez avoir foi en Dieu. C'est pour cela que ceux qui partent chez le marabout, beaucoup de personnes qui sont du milieu chrétien, ils partent là-bas. Parce que là-bas, Satan réagit du tic au tac. Tu appuies sur l'interrupteur de Satan, bam, il vient. Il y a des pasteurs qui quittent notre pays, ils voyagent dans notre pays pour aller prendre le serpent pour commencer à prophétiser. Ils achètent les bagues. Pour faire des miracles, ils lèvent la main, les gens tombent. Ils portent des vestes ou bien mettent des savons ou bien des styles de parfum sur eux pour faire des miracles. Ils voyagent au Bénin. Étant un simple homme, ils rentrent avec la puissance. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Ils voyagent en Côte d'Ivoire. Ils rentrent. Son église commence à grandir là, les miracles, les jets. Vous voyez que Dieu ne se trouve pas dans un pays particulièrement, n'est-ce pas? Et Dieu a sa façon de lui pour octroyer son Saint-Esprit. Ça ne peut pas changer. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans une bague. Il ne se trouve pas dans l'eau. Il ne se trouve pas dans une veste. Le Saint-Esprit ne se trouve pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui veut tabernacler dans votre corps. Il veut habiter. Et puis quand il va habiter maintenant, il te donne la capacité divine à réaliser ce qu'il veut. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc quand on va vers quelqu'un, on donne la bague, porte ça, tu vas faire les miracles. Dans la première partie, nous avons parlé de fausses onctions. C'est comme ça ça manifeste au milieu de l'assemblée. Le véritable Saint-Esprit est rare. Parce que Dieu est rare. Il est précieux, il ne se mélange pas. Non seulement il est rare, mais très souvent il passe inaperçu. Dans la simplicité, dans l'humilité, il se trouve derrière cela. Vous comprenez ce que je viens de dire? Au point où si vous n'avez pas la grâce, vous n'allez pas le reconnaître. Si vous prenez les prédicateurs sur le rapport des forces, vous mettez Jean-Baptiste d'un côté et les souverains sacrificateurs de son temps d'un autre côté. Vous-même, vous allez rejeter Jean-Baptiste. Vous allez dire qu'un homme de Dieu, normalement, comme lui, doit avoir un bon vêtement. Dieu doit le nourrir au moins. Et chez lui, c'est chaque jour, il ne fait que poursuivre les sauterelles là-bas chaque jour. Comment ne pas chercher la nourriture comme tout le monde? Mais Dieu était avec lui. Les autres étaient raffinés. Quand ils veulent n'importe quoi, ils ont des bons habits raffinés, ils avaient. Alors Jésus va leur dire un jour à cette population-là: qu'êtes-vous allé voir dans le désert? C'est-à-dire, vous pensez que qui était Jean-Baptiste au juste, qui était derrière avec lui? C'est ceux qui, vous cherchez ceux qui s'habillent bien. Et ceux-là sont en collaboration avec les chefs d'État. Donc, ils ont vendu le droit d'aînesse. Un roseau agité par le vent. Une herbe qui est agitée par le vent. Il dit non. C'est pas celui-là. Donc Jean-Baptiste, quand il a ta vérité, il dit face à face. C'est-à-dire que il n'est pas manipulable. Il ne peut pas se compromettre. Quand il va devant Hérode, il va devant, il dit qu'il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Droit comme ça, là, que tu vis dans le péché, si tu fais ça. Pendant que d'autres serviteurs disent que non, tu es le souverain, tu es le roi, tu es quand même Dieu. Dieu va comprendre que tu es quand même un roi. Lui va droit, il dit le péché. Non seulement il est mal habillé. Il ne sort d'aucune école. Il n'appartient pas à leur groupe normal. Il ne mange même pas les genres de nourriture. Il est même sans domicile fixe. Donc, tout ce qui est naturel est contre lui. Jésus qui naît, sort du bébé. Il est enfant. On le naît chez un grand sacrificateur. Dans un grand hôtel. Un grand Dieu qui est le Dieu de gloire. Qui est le Créateur. Il peut naître dans l'étable. Son premier savon, premier parfum, c'est le caca des chèvres. Pensez-y maintenant. Réfléchissez-y. Par sa naissance à Bethléem, il a montré qu'il se révèle dans l'humilité. Par sa naissance à Bethléem, il a prouvé qu'il a rejeté les religieux. Allait se révéler à l'extrême orient aux satanistes. Les gens qui lisent la Torah. Étudient. Enseignent aux gens. Ils ne sont même pas au courant que celui de qui ils parlent est là. Les satanistes viennent les informer qu'il est né. La Bible déclare que tout Jérusalem fut bouleversé. Hérode a dit que où sont les gens qui lisent la Bible? Est-ce que votre roi devra naître à Bethléem? Chacun spécialiste ouvre la Bible, ils ont la Bible, ils prennent le Torah. J'ai déjà vu ça quelque part. Ils ouvrent Michée chapitre 4. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est écrit que Michée, le prophète a dit que toi, Ephrata, terre de Bethléem, terre de Juda, de toi sortira pour moi un chef qui gouvernera sur Israël. Donc l'origine remonte au jour de l'éternité. Ils ont dit à Hérode que oui, il va vraiment nous habiter là-bas. La religion les a aveuglés. Et ne sont pas allés maintenant pour vérifier qu'à Jérusalem, est-ce qu'à Bethléem, il est vraiment né? Il a grandi, il venait au milieu de, à 12 ans, il posait des questions. Les docteurs étaient là, il a passé 3 jours à lui poser des questions. Quel est cet enfant qui pose tant de questions, qui s'intéresse? Il est là 3 jours devant eux sans manger, un enfant de 12 ans, il ne se pose pas de questions, c'est pas normal. Il est né dans l'humilité. Il s'est présenté voilé. Pour tester les docteurs. Jusque-là, ils n'ont pas reconnu. Il est rentré. Aux environs de 30 ans. Il se présente devant eux. Il ouvre le rouleau. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour délivrer les captifs. Pour renvoyer libre des opprimés. Pour donner aux aveugles la vue. Il roule et dépose. Il s'assoit tranquillement, il ne dit plus rien. Sa lecture de la Torah n'est pas conventionnelle. Il ne fait pas dans l'ordre comme les autres. Il n'a pas un style de prédication qu'on a formé dans une école. Quand il se tient là, tous les regards sont vers lui. Il lit ça, il reste tranquille d'abord. pour captiver leur esprit, pour attirer l'attention à lui. Parce que quand on lit un passage, on s'attend à ce qu'on donne l'explication. Quand il a parvenu à comprendre que toute l'attention était à lui, il dit aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Vous avez lu ça dans la Bible, frère? Amen. Je suis en train de citer Luc chapitre 4, verset 16 et suivant. Et donc, quand c'était suffisant pour lui, quand on le pousse sur la pente pour voir le précipiter, que c'est la dernière fois que tu dis des bêtises comme ça. C'est le Messie, c'est quand il va venir. C'est lui qui doit accomplir. Qui était devant eux? Le Messie. Donc voilà qu'ils ont rejeté. L'apôtre Pierre, Paul va venir sur la scène, il va prêcher ce même Messie. L'apôtre Paul. Et Bruce. Au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Si vous lisez le verset 40. Le verset 40 dit, il dit à Israël de prendre garde. Parce qu'il était dans un peuple qui n'était pas d'Israël. Mais il rencontre le peuple d'Israël là-bas. Il leur explique qu'à Jérusalem, ça a commencé, les gens l'ont rejeté. Mais vous faites attention à ce que la prophétie ne s'accomplit pas sur vous. C'est que le prophète avait dit, voyez, contemplez et passez. Le prophète attend que ça n'arrive pas sur vous. Jésus leur avait dit cela, que le moment est venu, vous allez dire que tu étais dans nos villes, tu as passé dans nos villes. Qu'est-ce qu'il s'en est dit? La Bible déclare que Jésus notre Seigneur est la lumière du monde. Si vous comprenez le sens de la lumière dont la Bible parle, et que vous voyez la façon dont il se manifeste, c'est deux choses différentes si vous comprenez la lumière au sens du mot. Il ne vient pas où il y a une lumière autour de lui. Si c'était comme ça, là, on devait le reconnaître facilement. Il est venu caché dans une chair humaine. Mais non seulement il est entré dans une chair humaine, il a pris un aspect qui n'est pas beau. Esaïe 53 dit quand tu le regardais, on détournait le visage. Mais il était quand même Dieu, le Créateur. Amen. Il était voilé là-dedans. On dit habitué à la souffrance, homme de douleur, semblable à celui dont on détourne le regard. Donc si vous regardez son aspect, et on dit son aspect n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc la lumière dont la Bible parle n'avait rien de son aspect physique. C'est celui qui est à l'intérieur. Dans Jean chapitre 14, au verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il a parlé du Père, Père, Père. Même ses propres disciples, ça les a embrouillés. Philippe a dit, mets un thème à ces contestations. Dis-nous clairement qui est le Père et ça nous suffit. Amen. Même vous aussi. Amen. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. C'est quel genre de question là-bas que montre-nous le Père? Tu cherches quel genre de Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Les guérisons, les miracles, les aveugles, oh là-bas. Tu penses qui le fait? C'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui le fait. C'était terminé pour les disciples, ils ont compris qui il était. Et vous pensez qui est Jésus? Sinon, si vous le croyez, comment vous invoquez le Seigneur Jésus et vous lassez de l'invoquer? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui jadis a dit que la lumière soit, il est venu, il a habité parmi nous, il a marché. Amen. Cette enveloppe, il a marché comme vous marchez là. Les hommes l'ont giflé, giflé le Créateur. Attraper sa barbe, tirer. Mettre les bandes sur ses yeux. La couronne d'épines. Frapper. C'est entré dans sa chair. Le sang coulait sur sa joue. Le Créateur. On le gifle. On dit, tu es le sauveur, non? Tu prophétises, non? Dis-nous qui t'a frappé. La Bible déclare qu'il n'a point ouvert la bouche. Parce que si tu ouvrais la bouche, il pouvait les détruire. Alors toi et moi, on ne serait pas sauvés. Il a dû accepter de souffrir cela pour toi et pour moi. La Bible explique donc que s'il a souffert cela, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui? Si Christ est pour nous, qui sera donc contre? Donc vos légères afflictions du moment. Du moment, les légères afflictions que vous avez. Même si tu as souffert 47 ans. Même si c'est 50 ans. Ça n'atteint pas une seule seconde que Christ a souffert. Vous priez, on a pleuré ici, les yeux sont au maximum rouges, n'est-ce pas? Lui, quand il priait, la sueur sortait en goutte de sang. Je veux que vous réfléchissiez dessus. Pas les gouttes de sang en liquide. On dit en grumeaux. Dans les touffes de sang coagulées sorties de son corps. Vous avez déjà réfléchi là-dessus? Que le Créateur lui-même est en l'air. Priait. Il a prié jusqu'à arriver à une dimension où le sang coagulait à l'intérieur de lui. À cause de toi, à cause de moi. Si le Créateur a souffert comme ça, c'est la guérison qui ne te donne pas. Et la Bible dit justement dans Ésaïe 53 qu'il a été frappé pour tes péchés. Que ce n'est pas ces meurtres-ci que nous sommes guéris aujourd'hui. Donc il a subi ça pour que nous ayons accès à la source de guérison. D'accord, bien aimé. Croyez au Seigneur. Si vous ne parvenez pas à croire de la bonne façon, parce que c'est pas là de croyance là tout à l'heure, c'est que vous dites croire à la Bible, je lève la main qui connaît que Jésus, vous allez chacun voir sortir un à un. Vous ne parvenez pas à croire comme c'est écrit là dans la Bible. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas accès à cette foi-là. Viens au secours de mon incrédulité. Il le fera. Il le fera. Il dit, le royaume de Dieu est disposé pour ceux qui sont pauvres en esprit. Si vous dites, Seigneur, je n'en peux pas, il n'en peut plus, là il sera ta force. Vous comprenez ça, frère? Donc ne prenez pas les petits problèmes que vous traversez comme si c'était des moments où ce qui montre que vous êtes éloigné de Dieu. Dieu utilise justement ces situations-là pour nous attirer à lui, à la prière. Parce que si tout va bien dans vos vies, vous n'allez plus prier. C'est pour ça qu'il permet que l'ennemi nous châtie. Pour nous inviter à la prière. Quand il y a les sorciers qui te menacent, tu connais déjà Jésus. Tu comprends que tu ne peux pas lâcher le marabout pour le faire. Tu es obligé de rentrer où? Dans la prière. Donc les ennemis sont à notre service en réalité. Les ennemis nous veulent du mal selon leur intention. Mais l'intention de Dieu d'utiliser les ennemis contre nous, c'est de nous fortifier dans son âme. C'est de nous fortifier dans la marche. Regardez ce qu'il a fait à Job. La Bible pullule partout de ces exemples-là. Donc si quelqu'un vous dit que si vous êtes en Christ, c'est que rien ne peut vous toucher, c'est les histoires. Dans 2 Timothée 2, verset 12, il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, ce qui est une bénédiction derrière la persécution. Donc préparez-vous. Dans Jean 15, verset 18, il a dit que vous aurez des tribulations. Vous aurez. Je vous laisse dans le monde. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc ce n'est que les derniers soubresauts que le monde fait comme ça pour nous persécuter. Donc vous qui avez des traces de maladie dans votre corps, des démons, ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. On va les challenger. Vous me suivez? On va prier. On va prier. On va voir ce que le Seigneur va faire. Si c'est la puissance des ténèbres qui doit régner dans votre corps, c'est Jésus. Je vous pose une question. Quand vous lisez l'histoire de David et de Goliath, vous voyez toute une armée de professionnels ayant à la tête le chef d'Israël. Il se met contre un ennemi. Et Goliath sort de la foule. Il dit que je cherchais parmi vous un homme qui est capable de me battre. Il lance le défi comme ça au peuple de Dieu. Il dit que si vous me battez, mon peuple vous soyez soumis. Pendant 40 jours, chacun tremblait du côté d'Israël. Et puis vient quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de guerre. Il est à l'école de tirer. Il n'a même pas d'abord de muscles. Un jeune garçon mou. Il vient là avec une gibecière. Il se met au milieu d'Israël pendant qu'il a décausé. Ce monsieur de plus de 3 mètres se présente encore. Il part. Quand il parlait, chaque soldat israélien bougeait le pied comme ça. Il avait peur qu'on le pousse au combat. Mais David n'entendait pas la même chose. La question que je vous pose, c'est ceci. Sur quoi comptait-il? Dieu n'est pas physique. Il n'y a pas un ange à côté de lui puissant. Pour qui dit qu'il compte que cet ange-là parle manger, parle tuer. Un enfant de moins de 17 ans. Il regarde celui-là en haut. Il dit que toi là, tu oses insulter la mère du Dieu vivant. Je vais te montrer qu'on ne dit pas ça des croyants. Mais son doigt n'est pas montré à son égal. Il monte son doigt en haut. Le père là, il cherche même qui est en train de parler. Il est en haut, il cherche qui, mais la voix là sort même. Après, il guette en bas, il voit un petit maigrichon qui lui parle. Il dit, mais ben, Israël, il se tourne vers son soldat. Il dit, Israël a cherché mieux, il n'a trouvé qu'un bébé, un nourrisson. Quelqu'un qui peut botter comme ça, il n'est pas tombé. Il voyait un nourrisson. Un bébé. Mais derrière ce bébé, la cohorte du ciel était derrière lui. Parce que sa foi était ancrée en un lieu sûr. Il ne se reposait pas sur ses capacités. Ce qui a fait défaut à cette armée, c'est que là se trouvait un combat spirituel. Et le combat spirituel ne se combat pas avec les armes charnelles. Puisque à armes charnelles, les deux camps en avaient. Pourquoi ne sont-ils pas allés confronter les armes? La guerre avait passé à un autre niveau. C'était les esprits. Voici le peuple de Dieu confronté. Le peuple de Dieu sera toujours confronté aux obstacles. Seuls ceux qui ont la vraie foi en Dieu pourront tenir. Dans toute Israël, si David n'était pas là, tout Israël partait en esclavage. Il s'est tourné vers le roi. Il dit que si le roi tue ce dissuasier-là, qui bavarde là, qu'est-ce qu'on va lui faire? Même ses propres grands frères ont dit qu'on sait qu'on connaît tes manigances. Tu viens comme ça pour voir le combat. Rentre à la maison. Il s'est détenu pour aller au roi. Oh, le roi d'Israël était le plus géant de tous les peuples. Donc lui qui était le plus géant avait déjà peur. Vous voyez que si les soldats, les factions partent, et celui qui commande la troupe, s'il a déjà peur, comment les autres vont avoir? C'est pour ça que les hommes de troupe sont les hommes courageux. Même quand il est blessé, même quand il a ses peines, il ne parle pas. Il peut se tourner là-bas comme ça, là. Il cache ses plaies. Mais quand c'est une dehors, il sort d'accourage, soyez des hommes. Parce qu'il ne veut pas communiquer cette humeur-là à ses soldats. Israël était communiqué, toute la peur était partout. Et Israël a dit, David s'est tourné là-bas, il a dit au roi que si il veut le tuer comme Dieu m'a permis de tuer. Il dit, toi, mon ami, il dit celui-là est né dans la guerre, il a grandi dans la guerre. Toi, tu vas faire comme ça. Il lui a dit l'école de guerre qu'il a faite. Et ce genre d'école de guerre, c'est un défi. Et kadi pele jangir de konuman kadum latu hunde kadi memal. Et que kai était au camp d'entraînement. O bi hapele mi yahi num donno habda. J'avais mon entraînement consistait à garder les brebis. Et kadi hapele mi don ekita kadi dum aynugo bali. Et les brebis attirent beaucoup de proies. Et bali man boddo wadda kadi hunde ko nangata. Quand les proies venaient. Et ko nangata les prédateurs. Ben ko warta nangadum. Quand le lion venait. To baroga wari. Le lion, vous entendez le lion devant, vous faites quelque chose non? Baroga to nani inde. Quand le lion venait. Wo baroga to wari. Quand il prenait une brebis. Ha nanga bala. Je poursuivais le lion. Mais on ne toque qu'un baroque man. Avec les kalachnikovs. Le bundugaru. Avec les pistolets. Le bundugaru non? C'est ça non? Non. Vani. Avec la bombe atomique. Le fidulu. Avec les chars de guerre. Non. Les montagnes. Avec quoi frère? Avec les mains comme ça. Bedungotan. Vous avez les mêmes larmes devant vous avec les mitrailles, avec les cartouches chargées. Le lion passe là, vous allez pisser avec l'arme comme ça là. Pas vrai? Il dit avec l'arme que vous allez faire vous défendre. Le lion fait. Vous bougez debout comme ça. Il dit qu'il poussait le lion avec les mains nues. Le lion. Il a attrapé le lion. Il écartait sa bouche parce qu'il lâche la brebis. Quand le lion lâche la brebis. En bataille, regardez David comme ça que que je cherche et toujours j'ai trouvé aujourd'hui. Le lion fuyait un garçon. Quand c'était le loup. Quand le loup te gifle comme ça. C'est l'équivalent de 60 kilos. Donc 75 kg. Donc un sac de ciment et demi. C'est comme si on t'a tapé avec un sac de ciment et demi. Le loup. Donc quand il fait sa part là comme ça, pam, il te tape comme ça. C'est comme si on t'a giflé avec un sac de ciment et demi. Il dit qu'il a attrapé le loup. Il retient la brebis. Il dit comme je me suis entraîné comme ça. C'est comme ça qu'il veut traiter celui-ci. Le roi dit, ok, si vraiment ce que tu as raconté, ton histoire est vraie. Si ta relation avec le Seigneur est vraie, vas-y mon fils. Vous comprenez cela? Il faut avoir la foi dans un lieu sûr, quelqu'un sur qui tu peux compter. En partant maintenant, il a fait l'erreur que les autres personnes veulent marcher dans l'esprit, ils font. Première erreur. Quand il faisait les entraînements là-bas, il n'y avait pas de casque militaire. Il n'y avait pas de flèches. Dans l'entraînement, il n'y avait pas ça. Saul lui a dit qu'il porte quand même ceci. Il a porté ça sur lui. Quand il a mis un pas devant, il dit, je ne suis pas accoutumé avec cette histoire. Donc, ce n'est pas mon style d'arme. Parce qu'il ne peut pas aller combattre avec une arme qu'il n'a pas maîtrisée. Saul lui a dit, protège-toi avec, parce que tu te donnes un coup là, tu vas confirmer. Il dit que non. Il a enlevé l'âme, il a déposé. Écoutez. Donc la théologie n'est pas mélangeable avec l'onction du Saint-Esprit. Oui, ça, frère. On ne peut pas mélanger ça. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit quand j'étais au milieu de vous, moi-même je tremblais. Parce que la parole qui sortait, ça ne reposait pas sur le discours persuasif. T'enseignes la sagesse là. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que la Grèce, les Grecs, c'est le siège de la philosophie. Donc c'est pour la connaissance, ils en avaient déjà. La sagesse philosophique, ils en avaient déjà. Il fallait quelque chose qui dépasse la philosophie. Il dit que je ne suis pas venu avec vous avec la philosophie. Donc sa parole n'était pas mélangée avec la philo. Il fallait qu'il prouve que Dieu est vivant. Donc David a montré par là que vous avez l'onction du Saint-Esprit, ne mélangez pas avec la théologie. Ne mélangez pas avec les doctrines des hommes. Ne mélangez pas avec la tradition des hommes. Vas-y avec le Saint-Esprit, il fera le. Alors il s'est présenté la belle, enlevé le casque, il a déposé ça de côté. Donc débarrassez-vous de toutes les traditions d'hommes et laissez Dieu faire son œuvre au travers. Débarrassez-vous. Vous allez me suivre là. Débarrassez-vous. Toutes les traditions d'hommes que vous avez ingurgées. Demandez à Dieu qu'il les nettoie. S'il ne nettoie pas, vous ne ferez pas un pas avec Dieu. C'est pour cela qu'il a pris Moïse de l'Égypte. Il l'a envoyé dans le désert. Il a pris 40 ans pour le nettoyer. Moïse, en quittant l'Égypte, avait combien, quel âge? Moïse, en quittant de l'Égypte, en fuyant l'Égypte, il avait quel âge? Il avait 40 ans. La Bible déclare qu'il était rempli de toute la sagesse et la connaissance égyptienne. Parce qu'après le pharaon qui était là, c'est lui qui devait prendre le trône. Donc il fallait l'initiation à tous les gens des bons esprits qui puissent se retrouver. Ce n'est pas quand il est président ou bien qu'il est roi qu'on lui donne ça. On le prépare à hériter. On dit qu'il avait été formé dans la magie, il connaissait, il faisait la magie. Toute la magie que les Égyptiens faisaient, il faisait. Dieu l'a envoyé dans le désert. Il a pris 40 ans pour le nettoyer. 40 ans. Pour débarrasser ce qu'on a mis en lui. Quand il l'a débarrassé, il s'est présenté à lui maintenant. Remarquez très attentivement. En Égypte, il y a les chars. Les gens bien armés. Bien formés. Il allait chaque fois te perdre le brebis avec un bâton. Il dit Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Il m'appuie donc sur toi. Va en Égypte, fais sortir mon peuple. Gars croit que c'est le rêve qu'il a dû rêver. Il s'attendait à ce que Dieu lui dise que forme une armée physique, c'est pas le combat. Il dit tel que tu es là, descend et je demande qu'il sorte. Moïse a dit, mon ami, envoie une autre personne. Parce qu'il connaît ce qu'il y a en Égypte. Il connaît la puissance négative qu'il y a là-bas. Là-bas, il ne peut plus combattre, il n'y a plus rien. Il dit que je vais aller dépendre avec quoi. Il dit, tu as quoi à main? Et un bâton. Il jette à terre, là jette en terre. C'est devenu le serpent. Lui-même il a fui son propre bâton qu'il avait souvent. Comment le bâton que j'avais souvent est devenu le serpent? Dieu dit que, écoutez bien, il dit prends-le par la queue. Vous devez être sûr que c'est Dieu qui a de vous parler. Vous touchez la queue du serpent, sa tête est disponible pour vous battre, pour vous mordre. Si vous prenez le serpent au niveau du cou, tout ce qu'il peut faire, c'est de vous s'enrouler sur vous. Mais si vous ne prenez pas la queue, il peut vous mordre à tout moment. En fait, vous touchez la queue, vous mordez. Dieu ne dit que pas prendre pas le cou. Il dit prendre pas la queue. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Nous avons chanté ici à l'entrée. Comptez, comptez sur lui de un heure. Tant que le combat. N'est-ce pas? Donc c'est pour qu'il sache dépendre de Dieu. Comptez sur lui. Quand il dit que tu sois prêt à faire ce qu'il a nous dit, il doit étendre la main sur le serpent en prenant par la queue. S'il prend pas le milieu, il n'a pas obéi. Parce que toutes ces choses, si ce sont les choses qui doivent se reproduire en Égypte, il a tendu la main, il a arrêté le cœur, comme Dieu avait dit. C'est devenu le bâton. Il dit va en Égypte. Va délivrer mon peuple. Pour Dieu, Dieu avait fini le travail en lui. Dieu l'avait déjà formé sans qu'il ne sache. Il ne savait pas que les brebis qui faisaient perdre là-bas, c'était son entraînement. Vous êtes dans la zone justement désertique. Imaginez comment il faut rassembler les brebis quand ils vont dans toutes les directions. Dieu lui a appris la patience dans le désert avec les brebis. Et quand il est rentré avec toutes les brebis là-bas du Seigneur, des voix sortaient de part et d'autre pour l'insulter. Mais il était calme. Parce qu'il avait appris la leçon avec le Seigneur. La Bible déclare qu'il était l'homme le plus patient qu'aucun homme sur la terre. Vous voyez qu'il n'est pas allé s'asseoir que pas. Dieu dit que patience, c'est P-A-T-I-E-N-C-E. Il dit que la patience veut dire ceci. Il ne lui a pas appris ça comme ça. Dans les circonstances, il a appris. Dans les difficultés, il a appris. Le manque, le blocage. Ça forme le caractère que Christ veut en nous. Donc voilà pourquoi il y a ces difficultés-là. Donc les difficultés sont les moyens de Dieu de faire son éducation en nous. La nature et ses influences sont le centre d'instruction de Dieu. L'instructeur qu'il utilise, c'est l'ennemi. Son salaire, c'est l'enfer. Il nous forme gratuitement. kadi oro ikitina mi mere que nous soyons forts pour le Seigneur ngam ha en gona kadi marbe sembe ajomirawo. La Bible déclare que ne soyez pas surpris des différentes épreuves qui vous arrivent dans le monde kadi, comme une fournaise pour vous éprouver. Do bone di kota tamon, il dit ça a dessein, obi kadi dum ça a un but. C'est pour que notre foi soit purifiée des mauvaises choses. Donc, quelles que soient les choses par lesquelles vous passez, c'est normal en tant que chrétien. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de nier le Seigneur. Croyez. Alors, notre histoire a commencé dans Luc chapitre 1, verset 5. Élisabeth était stérile. Elisabeth kadi o datano, elle était issue de Zacharie. O donno kadi gorko Zacharie. Son mari était déjà vieux, avancé en âge. Gorko mako bo naywino timi. Il était issue de Zacharie. Kanko bo o donno daga. Le plus grave. E kadi manga halaman kam? C'est qu'ils obéissaient à Dieu. O donno do tan Allah. Ils n'avaient point d'enfants. Ngala dingel. Maintenant regardez. Ndare hado. Le fait qu'ils n'avaient point d'enfants ne les a pas empêchés de garder la parole de Dieu. Le fait qu'ils attendaient un enfant et que ça ne venait pas, et ils n'ont pas dit que Dieu, tu n'es plus vrai. Tu étais seulement vrai au temps de Moïse. Il a continué à rendre son service, à servir Dieu droitement. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il faisait cela normalement. Et un jour, il a été appelé selon l'ordre de la classe de son choix. Le tirage au sort est tombé sur lui. Il est entré à l'heure de la prière pour offrir le parfum. Les gens se tenaient dehors. Et subitement, Gabriel s'est tenu là-bas à la droite du parfum. Malaika de Gowari derrière, il s'est rappelé Christelli ha urdiman worino. Oh, il est là-bas pour offrir le parfum pour la prière des gens de l'or. Orono Darika de rappelé Christelli ngam ha wad o yara urdi ngam hebel ko hayasi. Gabriel l'a rencontré. Et kadi malaika de Gabriel kadi war tawi mato. Aujourd'hui donc ta promesse est accomplie. Obi hande kadi ha de Gowari do mara. Ils ont fait peut-être 30-50 ans dans cet état-là. Mais le jeu de Dieu était accompli. Quand ils viendraient ici, après 30 ans, ils avaient baissé les bras. Donc ne baissez pas les bras. Si Corné avait fait du bien une fois, et ton Corné est capable de nous dire deux fois, et c'est un militaire, il a vraiment tenté un centenaire italien, on a tenu capable on argue donc un païen même, on a tenu à tenir tout qui tient une volonté. Il avait l'autorité du monde comme le capitaine aujourd'hui. On a tenu au nom de Marcano, il pouvait faire des avis ce qu'il a. Il a 100 hommes sous sa direction. On nous marque capable de capable de termer des mais jusque là il craignait Dieu. Demande pour Hula Allah, faisait les aumônes et prier constamment le Dieu qu'on dit qu'il ne voit pas. Et un jour, dans son endroit où il priait, l'ange est venu. À cause de ce qu'il a fait, Dieu a dit que en toutes les nations, il connaît tous ceux qui l'invoquent de tout leur cœur. Supposons que Corné avait dit que mais le peuple s'est même maudit. Pourquoi même on vient les dominer chez eux? Quel Dieu qui s'est même qu'on vient dominer? Et qu'il avait baissé les bras de prier. Il est entré dans l'histoire comme étant le premier païen converti. Et au ciel, on va le rencontrer avec sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Il n'a pas prié et relâché. Donc je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Si vous lisez Jean chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, La Bible déclare qu'il y avait une piscine à Bethesda. Je vais vous expliquer. Si vous demandez le livre, on va perdre le temps. On dit là, se couchaient des malades en grand nombre. Et il y avait un homme qui était alité. Jésus qui s'est promené au milieu d'eux. Quand vous lisez normalement la Bible, les choses comme ça doivent vous frapper. On dit qu'il y a une piscine ici. Et le principe de cette piscine là, c'est que un ange descendait de temps en temps et secouait l'eau. Et donc quand l'eau avait été secouée, c'était la compétition à qui veut entrer dans l'eau. La première personne qui tombait dans l'eau, quelle que soit ta maladie, tu guérissais. Et on dit que tout il y avait les malades là-bas en multitude. Mais on a mis un monsieur là-bas sur le lit. on lui a d'abord fait la grâce de le porter depuis la maison au moins jusque là. Mais il ne pouvait pas marcher. Parce qu'il faut quitter là-bas pour entrer dans l'eau. Et le plus grave encore, c'est que l'ange n'a pas un moment où il prévient qu'il va venir. Vous devez être seulement vigilant. Tu dois être seulement prêt. Vous voyez comment Dieu nous montre toutes ces choses dans la Bible. Il peut descendre comme ça, prrr, il s'écoule. Quand vous entrez la guérison et là, quand l'eau se calme, vous attendez 3 ans encore, il ne fait plus. Vous devez être seulement être vigilant. Si c'est un mouvement périodique, on devait être sûr que chaque 2 minutes il va venir. Mais il le fait comme il veut. Le plus grave encore, c'est que Jésus-Christ marchait au milieu d'eux. La Bible déclare que souvent ses vêtements guérissaient. Son ombre guérissait. Mais dans ce cas d'espèce, il est passé au milieu des gens. Frottait les gens. Qui avait le problème de maladie. Personne ne guérit. Vous voyez que Dieu n'est pas monotone, n'est-ce pas? Il n'est pas monotone. Il traverse au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait une personne parmi les malades. Mais si c'est le pasteur de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Amenez tous vos malades. Dieu va les guérir. Dieu leur a dit, rien dit. Ils engagent le nom de Dieu là-bas. Quand Dieu ne guérit pas, il dit que c'est vous qui n'avez pas la foi. Alors qu'ils avaient fait la promesse que Dieu va... Ils n'ont pas dit qu'à condition que vous ayez la foi. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'il faut laisser Dieu faire son œuvre. Vous croyez tout simplement. Vous ne croyez pas de la bonne façon. Dites, Seigneur, viens au secours de mon inquiétude. Vous suivez? Il est arrivé jusqu'à ce qu'il a rencontré la personne. Et j'imagine que quand il passait là-bas, quelqu'un poussait que mon ami quitte là-bas, il faut qu'il soit vigilant. L'auteur de la guérison qui ordonnait aux anges était en plein milieu d'eux. Et puis, il a trouvé ce monsieur et dit que veux-tu être guéri? Si vous posez la question à quelqu'un, même si tu dis qu'il faut manger le caca, si vous lui dites que la solution c'est le caca. Il va dire, donne-moi d'abord ça, il mange, il guérit, avant de réfléchir. C'est l'impact. Vous rencontrez n'importe qui est malade, parce que ça lui fait mal. Si tu dis, mon ami, si tu donnes le ça, si tu manges, tu vas guérir. Il va s'en prendre. Parce que personne n'aime naturellement la souffrance. Jésus lui pose une question qu'on n'a même pas posée. Il dit, veux-tu être guéri? La Bible déclare que Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était là comme ça depuis 38 ans. Depuis combien d'années, frère? 38 ans. Moi, je n'ai pas encore 34 ans. Donc, imagine dans 4 ans encore. Dans 5 ans. Dans 5 ans sera passé. J'aurai 38 ans. En ces temps-là, donc tout le jour que je suis né jusqu'à cet instant-là, c'est le temps que le monsieur a passé sur le lit. Imaginez ça. Il dit, veux-tu être guéri? Ce qu'il veut que vous observez, c'est qu'il a laissé les autres malades. Il a levé celui-là de façon spécifique. Quand celui-là a discuté avec lui, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il s'est levé comme quelqu'un qui n'a jamais marché. Il a pris son lit et commencé à marcher. Si c'est la science, on va lui dire qu'il te faut une rééducation. Parce que ton nez n'a jamais marché. Il faut que tu apprennes à marcher. Il a pris son lit, il est parti. Maintenant, Jésus est sorti là-bas, laisser les autres malades. N'est-il pas dit que l'Esprit du Seigneur est celui pour guérir les malades? Cela n'avait-il pas besoin de la guérison? Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et vous ne pouvez pas le forcer à faire quelque chose. Vous voyez? Abraham qui l'appelait son ami. Il a laissé jusqu'à la vieillesse, n'est-ce pas? Pendant 25 ans, il donne promesse. 25 ans. Avant que ça arrive. Il laisse que sa servante Sarah va jusqu'à 90 ans. Le scientifique dit que c'est ménopause. C'est-à-dire que le corps ne peut plus réagir à l'enfant. kusel bandudo debbo ka data fana wakati ma mais ils ont dit menopause et wi ka di ha wak ha wakati ma no kay dayol timmi ils n'ont pas dit menopause stop et wi ka di dayol darikam quand vous allez voir la télévision mettez quelqu'un parle vous mettez pause non nato to do ngiaba na ha darol be do darna hunde c'est investi vous mettez pause une fois on a rendu donc ça s'arrête un instant dara na wakati seda donc c'est la science qui dit que ça s'est arrêté un instant et kadi im jangir de himbe tan wi ka mais c'est Dieu qui a créé le corps et dum Allah on tagi bandudo il a dit maintenant play à 90 ans, elle a enfanté. Et souvenez-vous, même Sarah ne croyait pas. Parce que quand elle est venue avec ses deux anges, elle a dit, je viendrai à cette époque et Sarah avait un enfant. Elle était à la cuisine de faire la nourriture. Elle disait, c'est le soleil qui avait chauffé la tête de celui-là là-bas. Elle a dit, pardon, mange, t'as pas de gibet, tu pars. Que moi, mon sein a déjà fini, mon père qui dit, elle-même ne croyait. Finalement, Isa est sorti, n'est-ce pas? Puisqu'elle ne croyait pas, ça a poussé même qu'elle donne même sa servante, que je suis comme ce qu'on disait là, c'est pas ma servante. Et vous voyez à cause de ce qu'elle a fait, c'est le problème qu'elle a créé au monde, n'est-ce pas? Les femmes dans les ménages. Et les femmes dans le ménage. Et des robes convertis. Elle a donné maintenant sa servante à là-bas et ça a créé le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, même elle ne croyait pas. Quand comment on mais ça ne l'a pas empêché que Dieu fasse ce qu'elle a voulu faire. Donc s'il veut vraiment faire, rien ne peut l'empêcher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, pourquoi il laisse Abraham, il appelle son ami. Dans le Nouveau Testament, il n'a pas changé. Quand il est venu, il a encore appelé quelqu'un son ami. Vous connaissez son nom? Qui était son ami? Vous connaissez son nom? Personne ne connaît le nom de l'ami de Jésus ici. Voilà mon ami de Sobrao Yesuna. Il s'appelle comment? Il n'a connu. Il s'appelle? C'est la seule à trouver. Lazare. Lazare. Lazarus. Son ami. Sobrao. Il mange partout, il guérit les gens. Rouen t'appelle, tu es fou. Il vient chez son ami, il mange seulement. Il est malade, on l'invite, il ne vient pas. Nous parlons de Jésus Christ de Nazareth ici. On vient l'informer que ton ami que tu aimes, celui que tu aimes, est malade. Il parle lui encore seulement. Il le laisse mourir. Son ami. Imaginez bien cela. Il dit ça. Il dit, c'est mon ami. On dit qu'il est malade. Il dit, sois bien malade. Meurs bien. Et pas. Jésus, avec son ami. Quand il part maintenant, il s'éloigne. Il dure là-bas deux jours. Il meurt. Il le laisse, on l'enterre bien. Il pourrit. Il dit qu'à rentrer là-bas. Les disciples disent que mon enfant, on avait dit qu'il était malade, tu peux partir. Quand tu étais là-bas, on voulait te tuer. On a fui là-bas. Tu veux qu'on parle mourir là-bas? Il dit, ah, il dit, allons. Notre ami Lazare. Dors. Je m'en vais le réveiller. Il dit, mais attends, s'il a dit dort, laisse-le tranquille, il va se réveiller. Il, okay, comme il ne comprend pas son langage, il a dit à notre langage qu'il est mort. Il dit que l'affaire est vraie. Alors, la Bible déclare qu'il vient, il entre là-bas. La foule était là en train de pleurer. Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Il y a une qui aimait trop la cuisine. L'autre qui aimait la parole, elle pleure. Si tu veux qu'on crie au dépôt pour que les gens viennent, il faut l'inviter. Elle était là, elle pleurait. Les gens étaient obligés d'être à côté pour l'arrêter. Que ben ne pleure plus. Sa soeur a vu Jésus. Conversé d'abord avec Jésus. Il dit que maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Mesurez les paroles du Seigneur, méditez-y. Il n'a pas dit qu'il a la résurrection. Il dit qu'il est littéralement la résurrection. Donc quand vous entrez en lui, vous ressortez seulement. Il dit que ton frère vivra. Il dit que je sais que quand les résurrections des morts vont venir, comme on parle dans la Bible là, il va ressusciter. Il dit non. C'est vrai qu'il y a résurrection de la mort. Mais maintenant, il doit vivre. Elle a dit comme ça, elle dit oui, dans ce qu'elle n'a pas appelé la pleureuse. Elle a couru. Il dit que le maître est là. On est venu dire le maître est là. Il est guéri. Il t'appelle. Quand elle a couru, tout le monde est derrière. Elle est pas encore comme ça au tombeau pour pleurer. Il y a quoi d'autre que tu es derrière elle? Il est arrivé là-bas. Quand le Seigneur l'a vu, la déclare, Jésus pleura. Il s'en est lié, c'est dans Jean chapitre 11 là. Jésus pleura. Maintenant, les religions ont commencé. Il a guéri les gens partout. Pourquoi il ne pouvait pas empêcher que celui-ci meure? Les religieux ont commencé. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu derrière la maladie. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu derrière la mort. Mais ils portent le péché par leur bouche. Jésus dit, où l'avez-vous enterré? Voilà encore une autre question qui est bizarre. Il était à plusieurs kilomètres. Il savait que la personne devrait mourir. Quand il est mort, personne ne lui a dit. Voilà, il est venu dire, il a dit que Lazare est mort, on parle au réveil. Mais il arrive là où l'a enterré. Il demande qu'on l'enterre où. Vous pensez qu'il ne connaissait pas, hein? Vous comprenez? Vous voyez, vous lisez la Bible, vous n'avez pas voir. Dieu nous embrouille lui-même. Il est loin, il sait que telle personne va mourir. Parce qu'il leur a dit là-bas que cette maladie n'est point à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est ce qu'il leur a dit. Il dit qu'il est content même comme il était malade quand il n'était pas là. Mais il arrive sur place, il dit où l'avez enterré, où? Comme s'il ne connaissait pas la tombe. On dit que c'est ici, il dit ôtez la pierre. Même la soeur qui pleurait d'abord. Vous savez quand vous pleurez, quand les gens meurent, les gens pleurent, même si vous vous levez vous-même encore, la personne qui pleurait va fuir. Dans ce cas, il pleure quoi? Vous voyez une femme, son mari meurt, elle dit, oh chérie, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. À côté de la tombe, elle dit que laissez-moi, il va mourir avec elle. Laissez-la un peu voir. Laissez-la. Si une femme fait encore comme ça, laissez-la. Ou bien portez-la, mettez-la à la tombe, mettez la tête une fois sur elle. Elle va encore dire, mais vous voulez m'enterrer ici. Et vous êtes surpris que quelqu'un qui est mort, on pleure, mais si c'est lève, les gens fuient. Donc la soeur qui intercédait auprès de Jésus, Jésus a dit ouvre la tombe. Elle dit, mais ça fait 4 jours qu'il est dedans, il sent. Donc sa propre soeur, qui intercédait auprès de Jésus, était maintenant son obstacle pour qu'on la délivre. Il dit à Jésus, non, il s'en laisse lui là-bas. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi la Bible dit que quelqu'un ne peut pas se confier à un homme, non? On en fait un macadam, nous qui devons lui attaquer. Se confier au Seigneur. C'est lui ce qui ne déçoit pas. Quand vous faites un macadam, on macadam, on attaque à votre endroit. La Bible dit que même par votre propre cœur, il ne faut pas que vous fassiez confiance. Parce que le cœur a pu faire vous poser un acte. Après tu t'es mort, toi-même tu appelles ton propre nom. Tu dis que mince, qu'est-ce qui t'arrive? Comme si tu parlais à une autre personne. Que moi-même je ne me reconnais pas, tu peux au miroir que mais c'est vraiment moi qui fais les choses comme ça. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Sa soeur voulait lui faire obstacle maintenant. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a ouvert la pierre. Regardez très attentivement. Tout à l'heure, la personne a pleuré. On dit Jésus pleura. C'est quoi les juifs? On dit, oh, regarde comment il aimait cet homme. Quand l'homme Jésus a pleuré, il a essuyé ses larmes. Il a frémi en lui-même. Il a levé les yeux en haut. Quand le Père a parlé cette fois-ci, celui qui a dit que la lumière soit, cette voix a retenti, sort! Lazare sort! Lazarus hurtu. Il est sorti comme cela. Quelqu'un qui était mort et pourri. C'est de lui dont il est question qui était à la croix. Mais le problème c'est que comprenez que c'est son ami. Avec il avait l'intimité. Quand il arrivait dans cette vie, c'est là-bas qu'il dormait. Mais il est malade, il est tranquille. N'est-il pas conscient qu'il est malade? Jusqu'à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais le plus grave, c'est qu'il ne t'informe pas que telle chose après, ce sera telle chose. Il ne te donne pas le programme. Il laisse seulement ça t'arrive. Tu te lèves seulement, tu es à l'intérieur. Job, lui, il est resté. Il était irréprochable. Il y a 4 choses qu'on a dit de lui. Intègre. C'est détenant du mal. Craignant Dieu. Il était irréprochable devant Dieu. Voilà où est-ce que tu as le hamako. Est-ce empêché que quelque chose lui arrive? Et le monde voit un temps non? Mais physiquement. Là, tu vas ni. Les événements lui arrivent. Écoutez, dis-moi, voir toi. On ne voit pas le diable avec l'œil nu. Oui, il y a ta seule envie qui te va ni. Mais il est derrière ça pour contrôler. On va où dans gamha ou on a où dans. Il est seulement resté tranquille un jour, ça pas évident. De iti, wakati ma kovyoti. Quand le premier journal est venu comme ça, il a entendu la science qui parler. Ah là, man, wangi bani ohe iti. Après, il a entendu qui n'ose parler. Après c'était Euronews qui a parlé. C'était sa passe, c'était fini. Donc c'était les mauvaises nouvelles qui lui arrivaient. Pourtant il n'avait rien fait. Mais il était entré dans la souffrance. Mais ça avait un but. Donc le vrai problème là, c'est que vous lisez pour lui dans la Bible. Quand lui il vivait cela, il n'avait pas un livre qu'il lisait que ça doit arriver comme ça. De la même façon, quand ça vous arrive, vous n'avez pas un livre pour que vous lisez que voici ce qui est censé m'arriver. Dieu a fermé ces chapitres de notre vie afin qu'on croit en lui par la foi. Parce que si tu savais que tel chose va t'arriver demain, tu vas te préparer. Voilà pourquoi il nous dit qu'il y a l'allemand qui arrive. Préparez-vous. Donc les événements qui vous arrivent là, c'est prévu dans vos livres. Il n'y a rien qui n'est pas prévu. Dans Romains chapitre 8, verset 28, la Bible déclare, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a dit toutes choses. Il n'a pas dit que les biens concourent bien. Il a dit toutes choses. Donc que ce soit mauvais ou bon, ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? Donc Dieu a fait toutes choses pour un but. Et si vous êtes son enfant, il traite durement pour que vous participiez à sa sainteté. Ne prenez pas les difficultés que vous traversez comme des supplices. Ne prenez pas cela comme si Dieu vous a abandonné. Ce sont les sujets pour vous entraîner dans la prière. Parce que c'est le pourquoi je suis ici aujourd'hui. Parce que si j'étais bien, Dieu ne m'enverrait pas ici. Il m'envoie de restaurer les gens pour que les gens soient préparés pour lui. Pour qu'ils prennent le contrôle de votre cœur. C'est pour ça qu'il m'envoie. Donc pour que vous marchiez droit devant lui. Donc ne craignez pas si vous avez des difficultés. Des maladies. Glorifiez Dieu dans toutes ces choses. Si vous priez, ça ne marche pas. Priez. Parce que la victoire que vous aurez là-dessus vont être des socles pour demain. Des sujets de rendre grâce et pour les difficultés futuristes. Comme ça, quand d'autres différents vont venir, vous allez dire que j'étais dans tel problème. Il m'a délivré. Parce qu'il avait prié. Maintenant, il avait encore insister. Donc ça vous permet de vous cultiver et cultiver votre relation avec le Seigneur. Il faut cultiver votre relation avec le Seigneur. Les difficultés ont servi à cela. Quand vous avez la relation avec le Seigneur, on peut venir devant vous, se moquer de vous. Vous savez en qui vous avez cru. On peut venir vous menacer. Que je vais te montrer que je suis le sorcier. Les sorciers peuvent vous monter ce défi. Vous savez en qui vous avez cru. Mais si votre voisin est sorcier, il te dit maintenant que cette nuit il va te manger. Je suis sûr que tu vas même quitter la maison déménager. Parce que tu as peur. Vous comprenez cela? Parce que le sorcier t'a défié. Parce qu'il n'y a pas une relation solide avec le Seigneur. Mais si tu es défié alors que tu es un avec le Seigneur, tu te tournes. Si Seigneur, ma vie est entre tes mains. C'est toi qui l'as défié. Et tu te couches tranquillement. Ouvrez Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut que notre foi soit bâtie et solide. Il faut que vous ayez confiance au Seigneur. La Bible déclare que ayez toujours son recours. Et que heureux ceux qui prennent en lui son appui. Vous entendez ça, frère? Dans Proverbe chapitre 8, verset 30. Il dit, nous allons lire Proverbe chapitre 3 maintenant. Il dit que heureux celui-là qui veille chaque jour à mes portes pour en garder le poteau. Quiconque me cherche me trouve. Mais celui qui me hait est ennemi de son âme. Vous êtes au chapitre 3 maintenant. Oui, à partir du verset 20, lisons-nous ça. Écoutez très attentivement. Qui peut les frères? Tu veux les, oui? Proverbe chapitre 3, partie verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages d'ici la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux, ne s'éloignent pas de tes yeux. Vous entendez ce qu'il a dit, non? Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme. Vous entendez ce qu'il faut garder, non? On n'a pas dit les gris-gris. Oui, t'as dit que Kadi et là, il on dit la sagesse et la réflexion. Et oui, Kadi, Andal, nous, mon bon, qui sont issus des enseignements que Dieu donne. Il dit garde ça. Ça sera la vie de ton âme. Continuons. Et l'ornement de ton cou. Oui. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Donc, pour marcher avec assurance, sans craindre, il faut garder les enseignements du Seigneur. Vous voyez? Ça veut dire que si vous marchez correctement d'après la parole de Dieu, vous pouvez être sûr que vous êtes en sécurité. Continuons, écoutez bien. Et ton pied ne heurtera pas. Donc, ça dit que même s'il y a le piège de l'ennemi, tu vas tomber là-dessus. Oui. Si tu te couches, oui. Tu seras sans crainte. Là, c'est la nuit maintenant. Oui, nous sommes dans la nuit, parce que dans la nuit, il faut les garder. Oui. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Vous avez entendu? Est-ce qu'on prend les gris pour se protéger? Oui. On ne met pas les machettes au sol pour dire qu'on protège contre les sorciers. Ou bien on attache les trucs de palme que le prêtre a béni. Ou bien comme les autres mettent la croix sur les lits. C'est là-bas que le démon met ses pieds pour te gifler dans la nuit. Voici la solution que Dieu lui donne. Oui. Oui. Ne redoute ni une terreur soudaine. Donc dans la nuit, tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Ni une attaque de la part des méchants. Et vous entendez? Donc en dormant, ne crains pas ce que l'ennemi va faire. Les projets qu'ils font dans les ténèbres. Oui. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Oh, amen. C'est bon. Vous avez entendu ce que la Bible dit? Donc pour se protéger contre les sorciers, ce n'est pas se lever à minuit, vous avez les pieds comme ça là. Que je bois le sang de Jésus. Il n'y a pas de verset pour boire le sang de Jésus. C'est que si tu es un zombie. Il n'y a pas de zombie chrétien. Voilà ce que la Bible a déclaré qu'il faut faire. Parce que c'est Dieu qui nous garde. Vous dites, ok, je couvre la maison par le sang, il plonge dans le sang. Vous avez le sang avec vous? Dites-moi, vous avez le sang de Jésus? Quand vous plongez, alors le premier est empêché. Vous plongez, on vous oppresse encore la nuit, non? Si vous plongez, on vous oppresse la nuit. Ça veut dire que le sang de Jésus que vous utilisez n'est pas puissant pour protéger contre les sorciers. Mais ici, la parole dit qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est que tu prends sa parole, tu les mets dans ton cœur. Tu vis par elle. Le reste est sous son contrôle. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc imaginez que vous êtes dans les ténèbres. Vous avez le démon habitant en vous. Quand vous protégez les maisons, vous balisez les maisons avec le sang de Jésus. Quand vous avez fermé la maison, l'ennemi se trouve où? Quand il y a un démon en vous, vous fermez les portes. L'ennemi se trouve dans où? Et quand à l'intérieur, non? Donc tu fermes la porte puis l'ennemi ne sort pas. Pourquoi vous restez bien ensemble dans la maison? Donc il faut la délivrance, n'est-ce pas? Il faut la délivrance. Et il n'y a pas une force extérieure que vous avez à votre disposition pour utiliser. Et le Saint-Esprit n'est pas une force qu'on utilise. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui te donne les capacités d'agir. Donc c'est une personne. C'est lui qui nous dirige, c'est pas nous qui le dirigeons. Vous ne dites pas que Saint-Esprit, veille ici. Non. Lui, ce qu'il a donné comme instruction, c'est qu'on prend sa parole, on applique chez nous. Dans Josué 1, verset 8, que tout le monde connaît, et que d'autres ici ont même écrit, mettre chez eux, il dit que ce livre de la loi n'est seulement point d'établissement. Médite le jour et nuit. Et puis tu fermes la Bible, tu gardes. Dieu va bien t'aimer. C'est ce qui est écrit là-bas, frère. On a dit quoi? Que ce livre de la loi ne se voit pas de ta bouche. Mais dis-le. Jour et nuit. À haute voix maintenant. Mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Voilà. On dit méditer pour agir. Pour agir. On n'agit pas n'importe comment. Fidèlement. Quand on dit que tu es fidèle, c'est que si on dit ABC, tu dis ABC. Tu ne cites pas ACB en disant que l'important c'est qui est A, qui est B, qui est C. C'est ça être fidèle. Donc quand Dieu a dit de faire quelque chose, tu fais à la manière dont il a dit. On dit que tu es fidèle. Donc, la Bible déclare que médite. Examine. Plonge les regards pour examiner ta propre vie et mettre ta vie à cette ligne là. Marche. Quand tu médites, tu lis, c'est pour marcher. Quand tu vas marcher comme ça, la Bible déclare que c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont venus. Ils ont changé les versets bibliques. Ils disent que je suis un ouin de Dieu. Si vous mettez les offrandes ici, l'onction qui est dans ma vie va impacter la prospérité dans votre vie. Donc maintenant, les bénédictions de prospérité sont transférées par onction. C'est la sorcellerie. Dieu lui il dit dans la Bible que médite la Bible. Mets en pratique, vis fidèlement. Alors, tu réussiras. Voilà comme ça. Vous lisez Deutéronome 28 qui c'était ici. J'ai dit dans la deuxième partie, il a dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique sa parole, si tu fais ceci, L'Éternel ordonna la bénédiction de te suivre. L'ennemi vient par un chemin, il fuira par sept. Vous voyez que vous mettez en pratique, l'ennemi vient, il se disperse. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais ça, c'est pas son esprit. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur l'Éternel les mettra en fuite. Pour nous, c'est de vivre d'après la parole. Et au verset 13 du chapitre 28 de Deutéronome, Deutéronome 28, verset 13. Il dit, après avoir donné les séries d'obéissance, il dit que si vous obéissez comme ça, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Les pasteurs ont dit qu'on laisse tous les versets 1 jusqu'au verset 12. Il dit, lève-toi par la foi. Proclame que je suis la tête et non la queue. Mais Dieu dit que si vous obéissez, vous mettez en pratique, il s'en charge de vous mettre en haut et non en bas. Les gens, Les gens disent qu'ils ne veulent pas attendre Dieu. Ils disent que je suis la tête et non en bas. Je suis la tête et non en bas. Mais ils vivent dans la fornication. Dans le mensonge. Il y a le gens sur lequel il est attaché. Mais ils proclament qu'il est la tête et non en bas. Vous voyez les problèmes des chrétiens, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on vous corrige. Il faut qu'on mette les gens sur les rails. Que vous ne pouvez vous en sortir avec Dieu. Si vous vous éloignez les Saintes Écritures. Depuis l'Ancien Testament, c'est la règle. Quand Dieu a donné la parole, vous quittez 1000 ans, 2000 ans, le jour où vous envoyez un prophète, c'est pour que vous reveniez là où il avait dit. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Quand longtemps après, les Juifs étaient allés en Assyrie et à Babylone. Quand Daniel va intercéder dans le chapitre 9, il va dire que tu es fidèle, nous sommes injustes. Parce que moi, mon peuple, nos chefs, nous n'avons pas respecté ce que tu avais dit dans ta loi à Moïse. Et nous avons été avertis par les prophètes. Nous avons été désobéissants. Et tu as fait venir le malheur sur nous. Donc chaque fois quand les prophètes venaient, ils ne venaient pas, pour dire, ok, maintenant Dieu a changé des choses. Non. Il a dit qu'il vous a prescrit une loi à Horeb. Rentrez-y. Donc ne pensez pas qu'on va venir prêcher, encore venir prêcher quelque chose, une révélation qui ne sort pas de la Bible. Ça ne veut dire pas. Si c'est au milieu de nous, c'est pour nous dire qu'il faut qu'on se corrige. S'il y a des choses que les hommes ont ajoutées, mettez ça de côté. Prenez seulement la parole. Que ça soit votre socle, votre absolu. Quand, si vous lisez ça bien, vous décidez aujourd'hui que désormais ma vie est basée ici. Si on dit quelque chose, ce n'est pas ici dedans. Même si la personne dit, il fait comme ça, le mur se transforme en sang. Je ne croirais pas ça. Je resterai ici dans la parole. Si vous faites ça, le ciel est avec vous. À cet instant-là. Mais si vous mélangez un seul iota avec la parole du Seigneur, tout ce que vous faites, c'est pour vous et votre famille. C'est ça que ce ne vous dit. Donc il est temps qu'on se débarrasse de toutes les doctrines humaines. Toutes les traditions des hommes. Donc je ne suis pas venu pour vous dire un peu comme les pasteurs passent partout pour prêcher. Je suis venu pour vous dire qu'il faut qu'on retourne à la parole de la bonne façon. Vous cessez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Il faut qu'on corrige notre foi. Notre façon de vivre avec le Seigneur. Et ça passe par les petites choses que vous pouvez négliger. Vous pouvez négliger les choses. Comme les catholiques le font. Ils prennent de l'eau avec la main. Ils versent sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu leur dis que ce n'est pas le baptême. Ils te posent la question, il y a l'eau ou bien il n'y a pas l'eau. Ils disent que l'important, c'est l'eau. Vous avez vu un verset biblique qui dit que l'important, c'est qu'il y a l'eau. Bon, maintenant, si vous rencontrez un prêtre, dis-lui que je prends toujours la même eau. Je prends une fois, je vais sur ton doigt au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Posez la question, il va accepter qu'il est baptisé. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais l'important, c'est l'eau. Il va vous dire qu'il faut que ça soit sur la tête. Il y a-t-il un verset pour cela? C'est la tradition des hommes. Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau. Jésus lui-même a quitté Galilée, traversé pour venir se baptiser dans l'eau. Le mot baptême veut dire immerger. Est-ce qu'on immerge en aspergeant? Non. N'est-ce pas les gens qui enseignent les lettres là? La majorité d'entre eux sont des professeurs de lettres. Il dit, je te baptise en versant l'eau sur la tête. Et là se trouvent les grands professeurs d'université de notre pays qui se trouvent là comme ça. Des professeurs de linguistique. Des spécialistes en lexicologie. Il tend sa tête. On dit, je te baptise en aspergeant. Il entend ça en français. Après, il sort, il est sûr qu'il est baptisé. On ne baptise pas en aspergeant. Quand tu donnes quelque chose d'immergé, il n'y a pas deux façons de faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc voilà les choses des traditions qu'on a ajoutées. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, quand je dis baptisé, je ne veux plus dire baptême par immersion, parce que ce serait une tautologie. Parce que baptisé veut dire immergé. Donc, il n'y a pas deux baptêmes dans la Bible. Il n'y a qu'un seul baptême. Vous comprenez? Donc, si on ne vous a pas plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus, vous pouvez parler en langue que vous parlez. J'arrive sur le parler en langue. Je suis encore, je n'ai pas encore touché la deuxième partie. Faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas encore commencé avec le Seigneur. Donc, il faut le baptême. Vous voyez les traditions que les hommes ont mis, n'est-ce pas? Combien de millions de personnes? Ça, c'est l'aspect de baptême chez les catholiques. Si je conduis comme ça, religion après religion, dénomination après dénomination, il y a des différentes choses. Vous voyez, d'autres personnes ont ce que j'appelle règlement intérieur. C'est une association. C'est une entreprise. Mais ils sont obligés de se définir comme ça parce qu'il y a une association religieuse. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une association. Ce n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant. L'église du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des êtres dans lesquels la vie de Christ transcende. L'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un lieu de réunion. L'église, ce sont les êtres. Alors maintenant, les gens ont des règlements intérieurs. C'est-à-dire qu'il a transmis, Dieu a transmis sa parole. L'homme prend ça. Après, ils choisissent ce qu'ils vont croire. D'autres dénominations disent que nous n'acceptons pas. Tu dis que tu es apôtre, on ne t'accepte pas. Chez nous, ce sont les pasteurs et les surveillants. Nous ne croyons pas aux prophètes. Mais la Bible déclare qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Cinq ministères. Il les a donnés pour perfectionner le saint, pour que les saints allaient tout grandissent, prennent possession de leur propre ministère. Il dit qu'ils seront là jusqu'à ce qu'on soit tous parvenus à l'unité de la foi. On est parvenus à l'unité de la foi. Donc les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, pourquoi on ne soit plus ballotté à tout vent? Mais le règlement intérieur de quelqu'un va contredire la Bible. Les anciens là-bas vont déposer la Bible. Dit que ici nous croyons que. Ils ont défini le cadre, ils se sentent enfermés. Il faut rester dans la parole. Amen. Tu veux le parler, papa? Ah, tu veux te retirer? Ah, j'espère que je ne vous ai pas encore pris pour longtemps. Mais excusez-vous, je ne vous regarde pas dans la fâcherie, dans la fatigue. Je suis obligé de prêcher jusqu'à 18h. J'ai dit que tant que l'obscurité ne tombe pas, je ne vous laisse pas. Parce que j'ai dit lundi, on va perdre. Mardi, on va perdre. Mercredi, il sera en train de partir. D'accord? Donc, mieux, je vous parle. Même si votre corps est fatigué, l'intérêt n'est pas fatigué. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque vous prenez le règlement intérieur, vous mettez à côté de la Bible. À cet instant, vous avez rejeté Dieu. Dieu n'a pas donné à un être humain de discuter de la Bible. Il a donné la parole pour qu'on vive d'après elle. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 à 11, l'apôtre Paul dit que vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Parce qu'aucune autre fondation ne peut pas être posée. Voici cette maison que vous avez construite. Avant de la construire, vous avez creusé. Vous avez posé la fondation. Vous montez jusqu'à un certain niveau. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre peut continuer. Si quelqu'un vient en continuant, il creuse encore ici. Ce n'est plus le même plan que vous construisiez. N'est-ce pas, frère? Le but donc de l'église, c'est Jésus-Christ. Il est dans Matthieu chapitre 16. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il choisit donc des gens qui vont faire cette œuvre là. L'apôtre Paul dit qu'il a été choisi pour poser la fondation. Les autres qui vont continuer la construction, qu'on prenne garde de ne pas dévier de la maison. Il dit que la fondation doit continuer comme ça jusqu'en haut. Alors ça veut dire quoi? Pour continuer la maison aujourd'hui, il faut vérifier si nous nous tenons sur la fondation qui a été posée. Par conséquent, il a dit dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9, il dit quand nous-mêmes, ou bien un ange du ciel vient de vous prêcher un autre évangile autre que ce que vous avez reçu, qui soit anathème, qui soit maudit. Donc l'apôtre Paul veut dire que l'évangile est parfaitement donné. Dans les Apôtres chapitre 20, il a dit aux anciens que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Ce que Dieu veut que l'église connaisse se trouve dans la Bible. Et il continue sans en rien cacher. Donc il a donné tout ce que Dieu avait voulu pour l'église. Donc pas besoin de venir dire. Maintenant je pose la question. Quand quelqu'un dit qu'il est révérend docteur un tel, vous avez vu un saint révérend dans la Bible? La seule personne qu'on révèle dans la Bible, c'est la reine du ciel. La déesse qui contrôle l'église catholique. Donc si vous faites appeler le révérend, vous êtes un prêtre de mariage de l'église catholique. Parce qu'il n'y a aucun pasteur dans la Bible qui s'appelle ainsi. Vous essayez, n'est-ce pas? Parce que si vous faites révérer, alors vous êtes en train d'amener la révérence, l'adoration qui est due au Seigneur. Vous entendez maintenant un archevêque, c'est-à-dire le chef des évêques. Vous demandez que ces titres-ci viennent d'où? La Bible parle de l'évêque comme la dernière classe. Il n'y a pas un chef des anciens. Les anciens sont au même titre. Voilà les traditions qu'on a mis au milieu de l'église. Il y a maintenant les pasteurs régionaux, le super intendant, le général qui va au-dessus de tout, l'aide de l'aigle de Dieu, le général de Dieu. C'est au milieu chrétien, c'est pas dans l'armée. Au milieu chrétien, tu te tournes dans la Bible, tu te demandes si c'est toi qui lis mal la Bible. Mais rassurez-vous, ne lisez pas mal la Bible, c'est eux qui lisent mal. Vous comprenez? C'est eux qui lisent mal, c'est pas vous. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est général de Dieu, colonel de Dieu, qui commande les anges, Dieu lui dit arrête de moi Satan. Parce qu'il s'est éloigné des saintes écritures. Les apôtres du Seigneur Jésus qui avaient plus d'onction que tous les autres pasteurs de l'époque. Chaque fois glorifier le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a fait, il a dit simplement, c'est lui la grâce de Dieu qui travaille dans son ministère. Mais les pasteurs aujourd'hui, c'est présent, c'est eux qui se présentent sur les affiches, c'est eux qu'on voit. Lui et sa femme. Quand il est pasteur, sa femme est doctoreuse. L'apôtre Pierre, qui est la première des apôtres, même le nom de sa femme, on ne connaît même pas dans la Bible. Elles avaient disparu de la circulation. Parce que le sacerdoce de Melchisédek n'est pas transmissible. Quand tu es pasteur, ton fils, quand tu quittes la ceinture, tu meurs, ton fils ne prend pas ta place. Ce n'est pas une entreprise familiale. On est appelé dans la charge du ministère par la grâce. Donc c'est pas parce que tu as enseigné que ton fils sera pasteur. Ce sont les dérives des hommes. Que je forme mon fils pour être pasteur, il faut qu'il soit apôtre. La façon que tu lis la Bible, tu es même prophète, hein? C'est pas comme ça. On est né pour ça. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et on dit, étant monté, il a amené les captifs et il a fait les dons. Écoutez bien. Christ est monté au ciel, il y a cela plus de 2001. On dit quand il est monté, il a fait les dons aux hommes. Et il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Dans le moment où il a fait ça, quand il est monté, il a fait, pas qu'il va faire, dont les ministères sont prédestinés. Si il ne t'a pas appelé, dépose la Bible, quitte là-bas. C'est n'est-ce pas? La charge, c'est que vous portez en tant qu'ancien, vous allez rendre compte. Si Christ ne vous a pas appelé, et que vous savez dans votre cœur que ce n'est pas votre charge, quittez. Sinon, vous allez payer. Vous savez, c'est comme si vous avez acheté quelque chose qu'on a les recelles là. Quand vous attrapez, vous allez voir de quoi il est question. Vous dites que si vous êtes tranquille, on va venir me vendre ça, il n'y a pas de problème. Parce que tu es là pour encourager le voleur. Donc, si ce n'est pas ta place, dis Seigneur, je quitte. Jusqu'à ce que vous discerniez votre appel. Si quelqu'un est enseignant à l'école primaire, il lit bien les livres, il explique le français, ça ne lui donne pas le droit d'enseigner la Bible. Parce que pour que tu enseignes la Bible, il faut que tu aies appelé à cette charge là. C'est le domaine spirituel. Vous savez, dans Jacques chapitre 3, verset 1, il dit mes frères, faites attention qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Parce que si tu donnes un enseignement qui n'est pas biblique, tu viens d'insceller dans les âmes des gens le poison. C'est pour ça que la Bible déclare dans Romains. Verset 10 ou verset 14. Il dit comment croiront-ils à celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendons-tu parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dont les prédicateurs doivent être envoyés. Quand Jésus était sur terre, dans Luc chapitre 10, il a dit que la moisson est grande. Les ouvriers sont peu nombreux. Votre responsabilité, c'est de prier le maître à qui appartient la moisson pour qu'il envoie les ouvriers à sa moisson. Il n'a pas dit que si vous voyez que la tâche est rude, que la moisson est grande, vous vous auto-proclamez ouvrier. Vous cessez. Il dit prier le maître pour qu'il envoie. C'est une tâche grave de se mettre devant le peuple en train de parler. À Timothée, il a dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en le faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit, je vous ai laissé là-bas pour que vous dites aux gens de ne pas enseigner autre doctrine. Vous devez prêcher ce que tu connais, la manière dont je prêche dans toutes les églises. Prêche cela. Vis cela. Regardez cela. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Donc les gens aujourd'hui sortent des révélations qui, même si ça ne se trouve pas dans la Bible, ils disent seulement. Ils disent c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de dire. Tu lui dis que c'est contraire à la Bible. Mais il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit. Le catholique aussi dit que Marie aussi est allée au ciel. Sans passer par la mort. C'est aussi une révélation. Mais ça contredit la Bible. Cette même personne ne croit pas aussi à ça. Dieu nous a donné la Bible comme le test de toute révélation. Donc si une révélation contredit la parole, un toi soit peu. Même si c'est votre frère qui aime, qui vous aime. Même si votre papa à cet instant là rejeté cela, parce que ça va vous faire du mal et ça va lui faire du mal. Dont la parole a été transmise pour que nous transmettons de la main de la bonne façon. Et si on quitte dans cette fondation, tout autant on va y revenir, parce que Dieu est derrière sa parole. Il ne peut pas accomplir quelque chose qu'il n'a pas commencé. Ça doit être sa parole. Donc au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth, si vous avez mélangé la Bible avec les connaissances que vous avez pris ça et là et qui contredit la Bible, repentez-vous. Repentez-vous. Toube. Dieu voulant, on va enseigner. Quand on va enseigner au fur et à mesure, c'est pour ça que je vous ai dit poser des questions. Parce qu'en posant des questions, on va aller ensemble. Je suis en train de parler. J'ai la Bible avec moi. Vous avez la Bible. Donc, si je parle, je vous donne les références. Vous lisez ce qui est écrit. Ça doit être dit de la manière que la Bible dit. Et si vous avez la voix, les oreilles du Seigneur, vous allez entendre ce qu'il a dit. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un est pasteur. Sa femme est automatiquement pasteur. Son petit frère est pasteur. Son enfant est pasteur. Quand il n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Son enfant suivait les offrandes. L'autre tape la batterie. S'il n'y a pas de sorcellerie au milieu de l'église, c'est vraiment ceci. Mais vous allez dans les Saintes Écritures. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Fin de citation. Donc même si tu ne sais pas quoi, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc tu montes, tu descends, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. On n'a pas dit qu'elle n'a pas la capacité d'enseigner. Il y a des femmes qui parlent, qui sont même plus éloquentes que moi. Mais Dieu lui a refusé l'enseignement. C'est ça. Ok. Donc maintenant, aujourd'hui, quelqu'un dit, mince. Tu es une femme, tu as le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Donc tu peux enseigner. Mais le vrai Saint-Esprit dit qu'elle doit se taire avec son Saint-Esprit. L'ordre est donné aux gens qui ont le Saint-Esprit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais qu'elle soit dans le silence. Vous avez vu ça? Voilà un exemple. Mais au milieu de l'église aujourd'hui, un homme se lève et consacre sa femme pasteur. Tu dis, frère, y a-t-il une femme pasteur dans la Bible? Il dit que non, mais le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Pointe quelqu'un comme ça dans le nez. Dis oui, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Pointe quelqu'un comme ça que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Pointez votre voisin. Dis le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Mais il ne change pas aussi le sexe de quelqu'un. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Vous dites que il n'y a ni homme, ni femme, ni que ceci. Okay. Mais on ne dit pas le Saint-Esprit quand même. On dit le Saint, ça le masculinise. Donc le Saint-Esprit est masculin. On ne dit pas de façon interchangeable la Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Donc le Saint-Esprit effectivement n'a pas de sexe. Mais le Saint-Esprit non plus ne change de sexe. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, si tu es femme, tu es quand même toujours femme avec ton Saint-Esprit. Et l'autre est homme, il est toujours homme avec son Saint-Esprit. Sinon, c'est que vous serez des homosexuels à la maison. Parce que un pasteur qui a le Saint-Esprit, sa femme le Saint-Esprit, il va appeler sa femme madame. C'est la preuve que c'est une femme. Après qu'elle vient à l'église, il dit que non, il n'y a plus de sexe. Est-ce qu'il peut appeler sa femme monsieur? Est-ce que désormais lui-même peut porter le nom de sa femme? Vous voyez que les pasteurs sont malhonnêtes, n'est-ce pas? Malhonnête. La parole simple, c'est je ne permets pas la femme d'un. Si on prend comme ça point par point, même une semaine ne nous suffira pas de déduire. Il faut seulement qu'on s'en éloigne. L'apôtre Paul dit donc qu'il a transmis tout le conseil de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Deux fois. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. 1 Corinthiens 14, verset 33 dit que, comme dans toutes les églises de Dieu, que les femmes écoutent l'instruction en silence. Car il est masséant à une femme de parler dans l'assemblée. Il dit qu'elle se taise. Il ne leur a pas permis d'y parler. Il est masséant à une femme de parler dans l'assemblée. Est-ce de chez vous que la parole est venue? Ou est-ce à chez vous que ce n'est pas venu? Il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens de vous écrire est un commandement de Paul. C'est ça, frère? Est un commandement Du Seigneur. Donc Dieu commande à la femme de cette terre. Les pasteurs de Jésus disent que non, le Dieu a donné le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que s'ils ignorent que c'est le commandement de Dieu, qu'ils ignorent quand même. Je suis donc venu vous dire que si quelque chose a bougé dans votre foi, et la Bible le dit, vous allez y revenir. Si vous avez ajouté quelque chose que la Bible ne dit pas, vous allez vous en éloigner. En tout cas, pour celui qui va avancer avec le Seigneur. Si ne vous avancez pas de cette façon-là, vous ne bougerez pas. Vous allez tourner en rond. Vous trompez vous-même. Un jour, si vous avez la grâce, mais vous abandonnez la foi. Vous allez dire que la Bible n'est pas vraie. C'est pas la Bible qui n'est pas vraie, c'est vous qui n'avez pas été sur la Bible. Je suis un témoignage vivant de cette Bible. Verset après verset. Un témoignage vivant. J'ai été abandonné depuis ma naissance. Mais un jour, je lisais la Bible. Il dit que ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais moi, je t'abandonnerai pas. On dit qu'il donne une maison à ceux qui n'en ont pas. Une famille nombreuse. Je ne sais pas combien de frères et combien de soeurs j'ai dans le monde maintenant. Alors que mes propres parents m'ont rejeté. Ma propre famille m'a rejeté. Mais je peux voyager partout dans le monde entier. Je dors n'importe où tranquillement. Pourtant, là où je suis issu, on m'a rejeté. Je peux donc lire la Bible et comprendre ce que cela écrivait. Il dit verset après verset. Quand je n'ai pas de nourriture, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, les lions éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui te craignent ne sont privés d'aucun bien. Dans les minutes qui suivent, la nourriture arrive. Sa parole est vraie. Mais si vous faites de votre, cette parole, comme je dis, de votre socle, il va s'accomplir ce qu'il a dit. Vous mélangez avec lui, il ne sera pas avec vous. Maintenant, je vais arrêter dans cette autre troisième séance avant de vous donner une pause. Je veux que vous compreniez ceci. Josué chapitre 1 verset 8 dit, comme me dit jour et nuit pour agir fidèlement. Je veux que vous souligniez le mot fidèlement. On dit selon tout ce qui est écrit. Ce n'est pas fidèlement une partie. Donc quand Dieu te donne les reproches, tu dois corriger. Parce que le but des Écritures, quand il te donne des prescriptions, tu dois prendre en considération. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'unité. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Puis dit, c'est que chacun de vous ne se livre pas dans la fraude et la cupidité dans les affaires. Donc vous faites les affaires. Ne trompe pas ton frère. Il dit c'est ce que Dieu veut. Amen. Que tu trompes ton frère dans les affaires. Même par cupidité. Dieu tire vengeance de ces choses-là. Puis il dit, oui, si quelqu'un rejette ses préceptes, qu'il sache qu'il n'a pas rejeté un homme. Mais Dieu. Vous comprenez cela? Donc si vous rejetez un principe de la Bible, vous n'avez pas rejeté celui qui a écrit. Celui qui a écrit n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu que vous avez rejeté. Amen. Vous saisissez ça? Voilà. Donc dans Josué chapitre 1, il dit que méditer pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dans l'Ancien Testament, il nous a donné des exemples. Et 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit que ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Nous ne limitons pas comment ils ont détourné les choses. Dans 1 Samuel chapitre 15, si vous lisez à partir du verset 1, Dieu va envoyer le prophète Samuel d'aller rencontrer Saül pour lui donner une instruction. Le prophète va venir voir Saül pour dire, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens des Amalécites. Quand mon peuple sortait de l'Égypte, ça fait plus de 400 ans que l'événement s'est passé. Ils ont traité durement mon peuple. Ils n'ont pas voulu qu'il passe sur son territoire. Ils ne lui ont pas donné l'eau à boire. Voici l'instruction qu'il te donne maintenant. Va, frappe Amalek. De vous pas interdit. Tout ce qui est à vie, homme, femme, nourrisson, bœuf et brebis, ne vous pas interdit. Voilà l'ordre qui lui a été donné. C'est là où je vais finir. Saül a fait la revue des troupes. Et l'ami de Saul Kado haouti mobre mako. Mettre tous les gens au garde à vous. Les amener au combat. Ils ont amené au combat. Ils ont trouvé le roi Agar. Le roi d'Amalek. Ils ont pris vivant. Dieu avait dit de tuer. Ils ont pris celui-ci vivant. Bien plus, ils sont allés sur les bœufs. Ils ont tué. Ils ont vu les bœufs qui sont vraiment grands. Ils disent waouh, celui-ci a la chair. Ah, il ne faut pas qu'on tue ce genre de bœufs. Donnons ça à Dieu. Dieu mange les bébés, mon frère. Il mange les bœufs. Il est en train de faire le sacrifice là-bas sur le haut lieu. Oh Seigneur, nous sommes à l'église pour te rendre grâce. Tu as donné la victoire à ce combat. Et autres. L'ascension, ce qu'il est en train de faire là-bas comme célébration, Dieu avait une autre appréciation. Dieu a confronté le prophète. Il dit, je me répands d'avoir établi seul sur son pour mon peuple. Car il n'obéit point à ma parole. Le prophète a prié toute la nuit pour supplier Dieu. Dieu a dit, je le rejette. Toute la nuit, le prophète a prié. Dieu l'a rejeté. Le matin, le prophète vient vers Saül. Quand Saül le voit à distance, il dit, oh, sois béni de l'Éternel, le prophète de Dieu, homme de Dieu. J'ai obéi à tous les commandements de Dieu. Vous voyez cela? Je vous ai dit ici dans une des parties que si vous désobéissez à Dieu, les versets bibliques ne vont pas vous quitter. Ils connaissaient la salutation biblique. Comment respecter les hommes de Dieu? Ils connaissaient l'Éternel. Mais il avait désobéi. Samuel a dit que qu'est-ce que tu as entendu là? Il dit que non, on a tué tout le monde. Le peuple, il dit le peuple a jugé bon que. Vous voyez les traditions d'hommes, n'est-ce pas? Vous voyez les pensées des hommes. Les traditions d'hommes ajoutées au commandement de Dieu. Le peuple a jugé bon que non, qu'on ne tue pas les grands brebis, on sacrifie ça à Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait les grands brebis là-bas. S'il vous laisse, il ne devait pas leur dire que faites comme ça. Il dit, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu n'as pas obéi à la voix de Dieu? Il dit, voici la désobéissance aussi coupable que l'idolâtrie. Donc vous désobéissez à la voix de Dieu. Vous êtes exactement comme quelqu'un qui se prosterne devant le statue. Vous voyez cela? Vous voyez? Il dit que la résistance n'est pas moins que les térébènes. Elle est puisque tu as rejeté Dieu te rejette, c'est comme roi. Mais Saül croyait que comme il a tué 99%, il a rempli 99%. Dieu va négliger les autres choses. Quand Dieu est entré en contestation, il n'a pas parlé des choses qu'il a faites qui étaient droites. Il s'est attelé à dénoncer ce qu'il n'a pas fait. Donc, chez Dieu, ce n'est pas 99%. C'est 100%. Il a été totalement obéissant. Quand il était obéissant, il s'est rendu soumis jusqu'à la mort. Il veut toute notre obéissance. Donc ne croyez pas que vous allez faire 99%, il va comprendre le reste. Ce qu'il a dit doit être fait à la manière dont il a dit. Si ce n'est pas à cette manière-là, ni de cette façon-là, sachez donc que l'ascension, c'est que vous n'avez pas obéi du tout. Chez Dieu, c'est pas 99%, il va arrondir. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez comprendre que c'est comme ça qu'il agit. Donc, quand il a envoyé que Saul pas tuer Amalek, il ne veut pas interdire. Dieu savait pourquoi il fallait faire ça. Il fallait faire de cette façon-là. Il a pris le roi vivant, il dit que c'est quand même le roi, il m'avait sauvé. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, il n'a pas besoin de votre raisonnement. Il est Dieu, il ordonne, on fait. Êtes-vous prêt à servir Dieu de cette façon-là? Vous êtes prêt à servir Dieu de cette façon-là, il sera avec vous. Dans l'obéissance totale. Vous éloignez de vous ce qui n'est pas de lui. Chaque fois que les hommes ont marché par la foi, quand ils ont mis les raisonnements scientifiques, les raisonnements théologiques, les traditions des hommes, ils ont fait naufrage. Si vous marchez dans la parole pure, les gens vont se moquer de vous. Des éléments vont se passer. Mais vous allez voir que le Saint-Esprit est avec vous. Marchez seulement en lui et avec lui. Demeurez dans sa parole. Dans Jean chapitre 15, le verset 7, il a dit que si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, si ces deux conditions sont réunies, demandez ce que vous voulez. Et ça vous sera accordé. Amen. Je vous donne encore 15 minutes pour vous reposer. On continue dans la quatrième partie. Que Dieu vous bénisse. Amen. À tout à l'heure. Repose-toi, mon frère, repose-toi.